Personne n'est parfait, Marie-Pierre. S'il y en a un qui n'a pas réglé ses problèmes mentaux, c'est Guillermo. Ça va les amigos? Ouais. Et ça vous dit, genre un débat de société? Oui. D'habitude, je ne suis pas dans le débat de société. Moi, d'habitude, je vous fais, hey, je vous ai pas dit par rapport à ma bite. Et avec ça, je tiens 3 minutes. C'est un débat. Avec ça, je tiens 3 minutes en hommage. Mais ici, débat de société, débat de société. L'autre jour, j'ai lu dans le journal gratuit sur le net international qu'un député militait pour qu'à la naissance, les enfants portent obligatoirement le nom du père et de la mère. Mmh. Ah, vous voyez, là, je vous sens tous concernés. Là, ouais. Parce qu'on a dans le studio, à part Nagui, on a tous un nom de famille. Hein. C'est vrai. Ceci dit, vous ratez rien, Nagui. Regardez Tex ou Nabila, ils n'ont pas besoin non plus. Et c'est des carrières admirables. De toute façon, si c'était pour vous appeler Nagui BR, c'était pas la peine. Hein. Et oui, on rit à cette blague parce qu'on a de la compassion pour les jeunes. Bravo, bravo. Voilà, merci. Bon, vous savez qu'en France, malgré la loi de 2002 qui donne le choix aux parents, 4 enfants sur 5 portent encore le nom du père. Du père. 4 sur 5. Mmh. Et c'est tout à fait normal. Hein, parce que dans le développement d'un enfant, je vois pas vraiment ce que la mère fait de spécial pour mériter de lui donner son nom. Ou alors on se dit, ok, on récompense les rôles mineurs, hein, parce que les mères, c'est des flemmardes. Hein. Déjà, dans la conception pure de l'enfant, une femme, c'est un rôle passif. Hein. T'es une femme, tu fais l'amour, allez, franchement, t'es même pas obligé de t'intéresser. Tu peux regarder un télécrochet, tu peux faire des œufs mimosa. Puis il y a la grossesse, gna gna gna, je veux des framboises. Ouais. Résultat, qui c'est qui descend en monop? C'est vrai, le père. Eh ben, sans parler de l'accouchement, on dit toujours l'accouchement, mais l'accouchement, c'est beaucoup de show-off. Hein. Et vas-y que je me fais remarquer, je parle fort dans la pièce, je profite pas du moment. Alors que le père, lui, si ça se trouve, il a peut-être cherché 15, 20 minutes une place pour se garer. Les hôpitaux, parfois, c'est des labyrinthes niveau parking. Hein. Après, il y a l'allaitement. Franchement, qui sait pas allaiter? Moi, bah, c'est parce que j'ai pas d'ins. Mais si j'avais ne fût-ce qu'un ins, j'allaiterais tout le temps des enfants, des ados, des gens de l'administration. Non. J'allaiterais Michel Field, d'autres mammifères. Je ferais que ça. Hein. Moi, je dis, comme c'est le père qui fait tout le boulot, c'est normal qu'il soit récompensé en donnant son nom de famille à l'enfant, non? C'est vrai, hein, j'en parlais avec Éric Zemmour. Il me disait, Ernesto, fils de la capsule Nespresso, t'as raison à 1000%. Tu veux venir dans mon parti d'extrême droite? J'ai dit, non, je travaille déjà avec Tanguy Pasturo, ça va faire double emploi. Mais c'est vrai. En vrai, au-delà des traditions patriarcales, ce qui se passe concrètement, c'est qu'après l'accouchement, la maman, elle est KO à la maternité, quoi. Donc le père, il l'a, je passe vite à la mairie, mon amour, cicatrise à ton aise. Et c'est lui qui déclare l'enfant, quoi. Mais ouais, il déclare l'enfant, donc il revient à la maternité, la mère lui a fait, tu lui as donné nos deux noms. Et le père fait, ah, qu'est-ce que je peux tête en l'air. Et du coup, c'est toujours le nom du père. C'est pour ça que ce serait bien que ça devienne obligatoire d'avoir le double nom, je pense. Juste, il ne faut pas que les gens qui ont des noms de famille trop longs fassent des mômes ensemble. Genre, imagine Leïla Kadour Boudadi, ouais. Elle fait un enfant avec Xavier Dupont de Ligonnès, qui lui-même fait un enfant avec la fille de Nathalie Kosciusko-Morizet et Eric Choupo-Moting. Maintenant, imagine la taille de la carte d'identité, 87 cm en parchemin. Imagine l'appel en classe quand t'as fini. Sérieux? Eh, ceci dit, c'est important le nom de famille dans la construction de soi. Prenez genre moi. Ah non, il va encore nous parler de sa bite. Pas du tout. En tout cas, pas dans un premier temps. Et bien après, ben moi, jusqu'à mes 12 ans, je portais le nom de ma mère. Parce qu'à l'époque, en Belgique, quand tu faisais un gosse hors mariage, c'était comme ça. Et mes parents, ils m'ont eu hors mariage. Dieu les a bien punis d'ailleurs. Ils sont morts avant d'avoir la carte vermeille. Bien fait pour leur gueule. Ouais, c'est vrai, ben voilà. Enfin, soit, c'est lui qui m'a élevé tout seul. Et à 12 ans, il m'a demandé de prendre son nom, mon père. Et ça m'a donné envie de crever dans un tuc parce que mon père, il avait un nom claqué. Mon père, il s'appelait Verstraten. Moi, quand j'avais 12 ans, je savais qu'on m'appelait Guy. Verstraten, je ferai jamais rêver personne. Quand tu t'appelles Guy Verstraten, tu peux pas être sur une affiche. Tu peux être celui qui imprime l'affiche. Éventuellement, tu vois. T'imagines un poster avec Johnny Depp, Penelope Cruz, Guy Verstraten. Impossible. Du coup, j'ai changé en Guillermo, puis en Ernesto. Résultat, bah, je fais toujours rêver personne. Mais au moins, j'ai pas parlé de ma bite. Allez, bonne émission. Ciao, Guillermo.